Ah, Tortoli et Arbatak sont invités. Fume ta moustache. Ils en sont désolés. Ils vont peut-être le regretter. Ah. Hey, salut tout le monde, c'est Tortoli Herbe Attaque, Radio Panique 105.4. Il est 18h, bienvenue. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, émission spéciale, on reçoit nos amis de Fume ta moustache, le collectif Fume ta moustache. Yes. Bienvenue les gars. Bravo, bienvenue. Waouh. Bienvenue sur Radio Panique. Merci Nostalgie. Comment allez-vous? Bien. Bien. Ça va. On va commencer par un petit tour des présentations. Check. Bah allons-y hein. Monsieur à gauche avec son... Vous êtes combien? On sait jamais combien vous êtes. Avec son bout orange là. Comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Pipon et je suis un petit chien. Très bien. Un chapeau sur la tête. Très bien, juste à droite c'est... Bah je suis Houdin, la Houd, une pute. Ouais mais c'est bon ça. Peut-être à droite. Moi je suis Mopu, je suis une espèce de chien pute. Salut Mopu. Très bien, salut Mopute. Bonjour, moi je suis un gros panda et je m'appelle Natos. Très salut bien. Natos, t'aurais pu attendre qu'on te donne la parole. Et Scotty, pour finir, comment t'appelles-tu Scotty? Je m'appelle Scotty, je suis le seul humain de Fume ta moustache par contre. Très bien, voilà. C'est parfait. Yes, bienvenue les gars. Les blonds aux yeux bleus hein, pour les intimes. Alors vous êtes plus qu'invités les gars, c'est carrément une carte blanche. Donc on peut dire c'est que ça. Vous avez un peu construit cette émission. C'est vous qui avez sélectionné la musique. Vous en êtes fiers? Oui, c'est que des gens qu'on a aidés, supportés à travers notre carrière. Donc voilà. C'est fiers d'eux. C'est, oui, c'est des amis avant ce tout. Qui est important, c'est de parler devant le micro. Oui. Et tous ensemble aussi. Autant pour moi. Très bien. Les gars, le générique, c'était quoi? Vous pouvez vous nous le rappeler? C'était In The Stone de Earth, Wind & Fire, des potes. Ça sonne à l'interphone, ça les gars. Ça sonne à l'interphone. Tortoli, je te laisse la parole, je vais ouvrir la porte. Exactement. Alors, ce. À tous les coups, c'est Claire Servageant pour les informations. On la reconnaît. Aujourd'hui, il y aura quoi? Il y aura un petit peu de son sélectionné par nos amis du collectif Fume ta moustache. On vous rappelle, collectif Fume ta moustache qui édite des. Fanzines. Ouais, bonne réponse à droite. Allez, ouais. Voilà, une copie, fille à poil. Ils sont très en forme, ça fait plaisir. Tout de suite, on va commencer par un petit. Qui est-ce qui voudrait le présenter? Le premier titre, c'est France Gall. Pipon, tu veux y aller? Pipon, pourquoi? Pourquoi France Gall? C'est une fille que j'ai connue quand j'étais encore un petit peu un jeune chiot fou dans la France des yéyés. Et puis je l'ai branché avec un producteur allemand à l'époque, Hans Gruber, un pote, comme beaucoup de gens que vous allez entendre parler ce soir, beaucoup d'amis. Ok. Et donc j'ai dit à France, toi, t'es top, t'es chaude, t'es classe, tu vas chanter en allemand. Maintenant, ça t'ira vachement mieux et tu nous feras moins chier en France. Merci. Et en Belgique, wallonne aussi. Au passage. Voilà, donc merci Pipon, France Gall en allemand. D'accord, tu peux nous donner le titre ou tu l'as oublié? Der Computer Number 3. Très bien, de 1968. 68 exactement. Ça c'est pour les gens qui jouent à Kupuk. Wow. Ouais. Les gars, on se retrouve juste après. On se retrouve juste après avec une fille. Une fille. Der Computer, was genau? Für jeden Mann die richtige Frau. Und das Glück fällt im Augenblick aus seiner Kartei. Denn einer von vielen Millionen, der wartet auf mich irgendwo. Groß 1,82 Kragen. 39 Schuhgröße 46 Stopp. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nur darum ist das so. Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen. fume ta moustache veulent faire la nique à Tortoli et Arbatax. Y arriveront-ils? Bonjour. Bonjour. Retour à l'antenne, les gars. Retour à l'antenne, ouais. Alors on est. Ta moustache, c'est quoi en deux mots? Exactement, monsieur Houdin. Monsieur Houdin. Photocopie, 50 centimes. C'est un fanzine, il y a de la BD, du dessin, un peu de texte. Des photos, des fois. C'est, voilà. Moi, je crois qu'il y a, il y a beaucoup trop de mots dans la tube. Ça date depuis 2003 qu'on fait ça. Waouh. Et ça coûte 50 centimes. Pour vous le procurer. Ta moustache sur un moteur de recherche bien connu. Alors en général c'est à côté des gares, dans les magasins à côté des gares. Oui, dans les ouais. Espaces relais. Ah, et voilà. Dans on a lâché le mot. Aussi. Les sex shops aussi. Voilà, ouais. Les sex shops, c'est ce que et je voulais dire. Près des putes aussi, on peut le dire. Tu peux. Pourrais-tu développer, s'il te plaît, mon ami Natos? Non, je préfère pas développer cette branche un peu sombre de fume ta moustache. J'ai pas trop envie, quoi. Qui autour de la table ici a fait des gribouilles dans le fanzine? Bah tout le monde. C'est bien. Levez la main. Levez bien tout sa main. Tu vois la main levée là, tu la vois. Tout le monde voit sa main levée. La caméra. C'est très bien. D'accord. Messieurs Torto et Arba, vous pouvez peut-être parler des deux fondateurs. Ah. Que sont Pipon et Houdin. C'est peu. À toi. À toi de parler. À toi. Vas-y. Alors bon. C'était une soirée à la Fistinière, je sais pas si vous connaissez, on s'est rencontrés là-bas, Houdin et moi. C'est un petit bled, c'est une auberge assez sympa. D'ailleurs, je vous recommande le site internet, la Fistinière. C'est de quel côté ça? C'est Vers Tours, on connaît. Okay. Ah, okay. Même si on est nantais, ça n'a rien à voir, on passe aussi des vacances ailleurs, hors Nantes, hein, de temps en temps. D'accord, donc vous êtes de Nantes. Bruxelles. Vous êtes des Français? On est ah français, oui, on est français, oui, pardon. Il faut le préciser d'office. Ça, hein. Mais on a pas fait exprès. On est pas allemand. Vous n'êtes pas allemand donc? Non. Non. Pipon un petit peu quand même. Ouais. Ok. Et donc voilà, l'homme c'était la Fistinière. Hein. Tu t'en souviens toi? Oui, bah. Vaguement. On se mettait des points dans le cul et puis ouais, on a eu l'idée d'un fanzine quoi. Comme quoi, il n'y a pas d'autre rien à dire. Comme quoi, des fois, on préférait pas connaître les origines. On a réussi à faire le grand 8 tous les deux. Et c'est vrai qu'on s'était fait applaudir sur le coup. On s'est dit, on fait une belle équipe. Et après le grand 8, on s'est dit, la solution, c'est de raconter tout ça. Quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est surtout quand j'étais accroché à la croix de Saint-André, là, ouais, c'était à l'envers. Effectivement, et on a commencé à avoir eu quelques idées. Petit à petit, de Fistinière en Club Med, on a rencontré des collaborateurs de tous bords. Je vous rappelle qu'il est 18h hein, quand même. Ouais, c'est un peu choquant. Les informations, Clara Sarvajan. C'est pas tout de suite. Et puis finalement, voilà, bon, bah, c'est une réussite économique. Depuis, on roule sur l'or. Des esclaves, on en a beaucoup. On va à la chasse tous les dimanches. On va chasser des esclaves. On s'est acheté une île. Yes. On s'est acheté une île sur laquelle on fait des expérimentations. Mais dites les meilleurs graphistes de France. Mmh. Yes. Yes. La crise économique fume ta moustache. Non. Ça, on connaît pas ça, c'est pas du tout notre problème. Il voilà. Y a des gens qui sont plombés par la crise, il y a des gens qui surfent sur la crise. Donc c'est parti de la deuxième génération. Ok, donc vous êtes en quelque sorte des surfeurs. Des copains qui sont accrochés à ça, comme Romain. Le fist en aiguille. Le fist en aiguille. Ouais. De fist en aiguille, ouais. On parle de Mopu, le grand qui a une grosse voix là. Ok. Qui va faire une chanson tout à l'heure, parce qu'il fait aussi de la musique. Bon, très bien. Je crois qu'on a bien compris le concept. Non, je pense pas, non. J'aurais aimé aller un peu plus loin, plus profondément. On reviendra sur cette histoire de fanzine, les gars, mais on a un petit cadeau pour vous. Tortoli va vous expliquer de quoi il s'agit. Enfin, c'est pas vraiment un cadeau si vous voulez. En fait, la semaine dernière, on a proposé aux auditeurs de poser des questions à l'intention de Fume ta moustache. De laisser des questions sur notre répondeur. Sur notre répondeur personnellement. Et voici ce qu'on a eu. La première, il me semble qu'elle s'adresse à. Attends, je regarde. À Houdin, peut-être. À Houdin, je Houdin. Pense. Oh non. Houdin. Attention, écoutez. Bonjour, Brigitte de Saint-Mémin, dans le 79 en France, dans les Deux-Sèvres. Cette question s'adresse à Houdin. Pensez-vous qu'il est légitime de baser son travail sur des propos scatophiles et injurieux envers la femme et de délaisser toute forme d'intelligence pour son travail? Je vous remercie et je tiens à dire que j'aime quand même beaucoup Fume ta moustache. Merci. Bah voilà, il me semble que c'est assez clair. Merci pour cette question. Donc c'était Brigitte de. Alors écoute, t'es une fille, déjà tu pars mal. Parce que moi avec mon armée de loups-garous, ça va, t'inquiète que les filles, ça va moins rigoler en 2012. Très bien. Hein, et puis. ouais, voilà, en plus. Alors, mais je sais pas, ouais. Continue à lui refumer ta moustache. Et pour c'est quoi scatophile? Ouais, pour tes propos scatophiles. Est-ce que tu mais on vient de t'expliquer qu'on s'était rencontré à la Fistinière où ils font aussi des soirées urophiles. Très donc bien. T'inquiète pas, je compte me développer un peu dans cette espèce de déviationnisme sexuel. OK, ouais. Très bien. D'accord. D'accord. Mais donc, là, je pense qu'elle doit être ravie là derrière son voilà. Transistor. Attends, elle habite dans le 7-9 hein. On embrasse Brigitte d'ailleurs tous. Hein. Merci. Une bise. Mais j'avais pas entendu ton petit prénom, Brigitte. Excuse-moi. Brigitte, voilà. Merci Brigitte pour ta question. Une deuxième question. On a une deuxième question, il me semble. Bip. Ouais, salut, c'est Pascal, bien ou bien Pascal Lecteur. J'aurais aimé savoir si j'étais le seul lecteur de Fume ta moustache ou si on était plusieurs. Voilà, merci. Au revoir. Donc c'est une question qui s'adresse un peu à n'importe qui, à tout le monde. Quelqu'un veut est-ce que quelqu'un a un peu les statistiques de Fume ta moustache? Pascal, je vais te répondre en deux mots. C'est Scotty qui parle. Oui, exactement, tu es beaucoup de lecteurs. Comme toi, il y en a autrement. T'as répondu en trois mots, Scotty, tu pouvais pas. Oui, mais il y a beaucoup de, pays, beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui lisent ce journal. Tu n'es pas le seul. Ouais, puis même t'es trois dans ta tête là parce que. Il y a un fan club à la Fistinière. Si on m'avait dit que c'était un guet-apens cette émission, je serais pas venu évidemment. Hein. Non mais on parle pas de guet-apens, on parle de questions d'auditeurs. Je m'en vais, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ça serait vraiment dommage. Sache-le, t'es une pierre angulaire ici. Hein. Ouais. Les gars, merci pour cette réponse. On peut juste histoire d'avoir une confirmation. On le trouve en Belgique ce fanzine. On le trouve ouais. Ouais, on a pensé à le mettre dans des librairies, ouais. Ah, il y a eu un petit doute. C'est où la Belgique? Et on a oublié, non. Depuis. Vous avez quelques noms de librairies, encore, peut-être la Belgique? Ouais, on a des noms de librairies, on a... C'est pas la Wallonie et la Flandre? Il n'y a pas de pays séparés, là? Mais alors, si je peux me permettre, on va être présent dans un salon du 26 au 27 juin à Bruxelles, 66 A, Avenue des Plantes. Ok. Je crois que c'est à Jette ou à Saint-Josse, pas loin de Radio Panique. D'accord. Et donc les gens pourront se délecter avec les films de moustache à cette occasion. Merci pour l'info, c'était très un bien. Scoop Tortelière Vatax, merci. Merci Scotty, c'était. Les gars, on va se remettre un petit morceau. Vous nous auriez proposé Jean Pax Mayfray. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler rapidement? Toujours le même. Toujours un copain. Jean Pax, c'est un copain, quoi. Un mec qui nous a pas lâché. Un mec qui nous a jamais lâché. Ouais. C'est au niveau des influences, c'est plutôt côté. Niveau instrumental, on est plus dans une veine Michel Sardou et niveau des paroles, niveau des esprits, peut-être ambiance bloc de FN de Villeurbanne, quelque chose comme ça. D'accord. Villeurbanne. Conservateur. Oh là là, bon, c'est bien. Lui, au moins, il a jamais fait comme Michel Sardou. Oui, ouais. Il a jamais passé la main gauche, quoi. Ah. Bah, sur cette phrase c'est extraordinaire. C'est quelqu'un pour l'équipe. C'est un que je respecte énormément. Sardou est mort depuis longtemps, c'est fini ça, les gars. On va laisser l'auditeur faire son choix en écoutant ce magnifique morceau qui s'appelle Ni rouge ni mort. On se rejoint juste après. Du pacte de Varsovie, 6 millions d'hommes tenus kakis, pour que l'Europe reste libre, il faut rétablir l'équilibre, pendant que les écolos défilent, ils dressent leurs barrières de missiles. Je ne crois pas aux idées molles de sécurité sur parole. À moins de 300 kilomètres, ils rêvent de devenir nos maîtres. Sur ordre du Kremlin, ils peuvent franchir le Rhin. Et si c'est pour demain, tu peux me dire ce qu'il faut faire. Alors je viens le dire très fort, pas de vie c'est ni rouge ni mort. Je n'ai pas le frisson du pacifisme face aux armées du communisme. Ils ont des milliers de canons pointés dans notre direction. leur SS-20 et tous leurs sous-marins, bombardiers nucléaires. Tu peux me dire, c'est pour quoi faire? Ni rouge ni mort. À moins de 300 kilomètres, ils rêvent de devenir nos maîtres. Sur ordre du Kremlin, ils peuvent franchir le Rhin. Et si c'est pour demain, tu peux me dire ce qu'il faut faire. Alors je le redis encore, ma devise c'est ni rouge ni mort. Pour qu'il n'y ait plus d'autres Boeing, je crie bienvenue au Pershing. Mais si un jour tout leur char bouge, je finirai plutôt mort que rouge. Vous êtes sur Tortoli Herbe Attack, 105.4, c'est Radio Panique, c'est formidable, il est 18h22, chers auditeurs, nous allons bientôt passer au tant attendu agenda culturel. Aujourd'hui il est fait par les Fume ta moustache, mais juste avant on se passe un petit morceau de Vagina Town, un groupe de rock français. Nantais même. Nantais, on peut le dire, on peut le dire. Et là on est tranquille, on leur a coupé les micros, ils sont calmes. Là, ils nous regardent comme des poissons dans leur bocal. Alors ils disent quoi là hein? Ils nous expliqueront qui sont les Vagina Town, mais je vous laisse écouter ça. Mais avant tout, jingle. Fume ta moustache est invité par Tortoli et Herbe Attack sur Radio Panique. Pour l'instant, ils sont calmes. Le resteront-ils longtemps ? Yes, c'était Vagina Tom. Voilà, ouais, ça va, vous êtes toujours là? C'était ouais, le morceau ouais. Radio. Ouais. Ouais. Pas applaudir, ou non, enlève ton point, on applaudit Vagina Tom. Bravo. Pas mal, mais alors qui est ce groupe les gars? Fume ta moustache, vous nous avez apporté ce groupe à Bruxelles, vous nous avez apporté le morceau. C'est qui, c'est quoi, comment, où, quoi, quid? C'est un groupe qui est en train de boire une bière, une terrasse pendant que nous on est là, enfermés, c'est pas faux. C'est une honte. Sous 50 degrés. C'est un groupe de Nantes avec qui je suis parti, parce que moi je fais de la zik aussi. Et on est parti faire quelques dates Paris-Lille et on joue à Bruxelles samedi et vendredi à côté de Liège. C'est un groupe de rock, voilà, un duo Mélissa et Jérémy. Très bien. Ils sont démasqués. Et donc vendredi vous jouez où exactement? On joue à 8 à côté de Liège, dans un bar qui s'appelle L'Escalier. Donc okay. Je sais pas si on va aller vers le haut ou vers le bas, mais en tout cas on va vers 8. En tout cas, elle est bonne la blague. C'est Grand Place, non? Grand Place de 8, ouais. Big up à nos amis de la province de Liège. Et le niveau. Merci à Eldina, c'est le groupe belge de Liège qui nous a chopé ce plan. Très bien. Et tu parlais d'un autre concert alors aussi? Au DNA à Bruxelles samedi. Ça c'est quoi? Ça c'est voilà. Une place connue. Le DNA bar près de la bourse, il me semble. Et l'entrée, tu la fixes à combien? C'est prix libre, donc vous pouvez donner 10 euros par personne si vous voulez. Très bien. Est-ce que tu pourrais pas nous donner un petit avant-goût de vendredi si on va à 8 ou de samedi si ben, on va à... Je vais vous faire une petite chanson. Allez. Oh là là, oh là là, bravo! Il avait une guitare avec lui. Ouais, alors là, c'est le premier live dans Tortolière Bataille. C'est la première fois qu'on a un live. Donc il s'appelle Mopu, il fait la première partie de Vagina Town. Il s'appelle Birds Are Alive. Je sais pas si on va entendre grand chose. Si si, vas-y. Yeah. C'est rien que je monte les potards, elle est pas branchée. C'est bien. C'est du blues manouche, ouais. Today, so let's get going. I am about to cry. Lord, I can feel it in my mind. Lord, I can feel it exercise. So let's get going. Things made to die. So let's get going. Child born to cry. Love made to lie. Lord, I can feel it exercise. So let's get groovy. Things made to cry. So let's get going, child born to lie. Lord, I can feel it exercise. Lord, I can feel it exercise. Lord, I can feel it exercise. Approximatif. Bravo. C'est une chanson que j'ai écrite dans le camion en venant en Belgique, donc elle est pas finie. Bravo, c'était très bien. Ça c'est s'appelle. Exclusivité. Ça s'appelle Birds Are Alive et vous le retrouverez. Avec une grosse caisse et un tambourin en plus normalement. Ah ouais, ah, c'est vrai. L'homme orchestre. Un peu de distorsion. L'homme orchestre Rémi Brica en quelque sorte. Rémi Brica du blues français. Yeah. Voilà. Birds Are Alive. Yes. Un super cadeau pour les auditeurs de Tortolière Batax. Samedi au DNA, prix libre. Ouais, prix libre. À 20h ou 22h, entre les deux. À partir de 20h, ouais. Donc, ok, venez très nombreux bien. Pour qu'on vendredi puisse, à 8. Venez nombreux pour qu'on puisse racheter de l'essence pour rentrer en France. Parce que c'est ça. Vous allez en avoir marre de nous à un moment, donc il faudra qu'on reparte. Yes, les gars. Qu'on a appris à la fistinière pour gagner des thunes. On pensait passer sur un agenda culturel puisque 50 balles la totale. Voilà, c'est ça. Les gars, vous savez, dans cette émission, à la mi-émission, il y a toujours un agenda culturel. Ouais, et il y a Camo qui s'est pas présenté, donc je crois qu'il devrait se présenter en présentant. Exactement, mais je pense que ça mérite un petit jingle. Ouais. C'est l'heure de l'agenda Q, l'agenda Turel, l'agenda culturel. Ouais. Yes. Alors les gars, qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine, et après Camo va se présenter. Ou alors c'est Camo qui va nous faire l'agenda culturel. Je sens Camo bien parti. Camo elle a lancé là. Mais que l'essentiel de l'agenda culturel. Très bien, vas-y, dis-nous. Non, ben non, c'est après. Non mais c'est si. Scotty qui commence. Bon, alors. Ange blond. Alors j'ai deux trois petites choses à dire. Premièrement, un spectacle d'un éminent humoriste français qui s'appelle Guy Montagnier, qui fait un spectacle qui s'appelle En route pour Vegas avec Sylvie Raboulet. À ne pas louper, hein, Anne Palouper, c'est un classique. C'est le vendredi 28 mai à Mézières en Suisse, donc tout à côté finalement. Grosse saveur quoi, grosse voilà, saveur. Au théâtre du Jora et c'est dès 20h. Voilà, très ça bien. Va être très bien. Merci Scotty, merci. Ça, pour, j'ai un autre truc à dire, un peu plus sérieux et un peu plus les cool et un peu moins loin. C'est du 5 juin au 11 juillet 2010, c'est une expo qui s'appelle Mycos No Remorse au Centre Wallon d'Art Contemporain. La Châtaigneraie, ça s'appelle. Ok, très cool. Sérieux, maintenant, les gars, c'est n'importe quoi. C'est pas loin de Liège. Et Mycos, c'est un fanzine. C'est une île en Grèce. Un fanzine liégeois qui est maintenant décédé, mais qui continue de faire quelques expositions de temps en temps. Et qui est mortel. Et qui est vraiment très bien. Et nous, on les joue mieux que nous. Voilà. Oui. Donc, il faut y aller. Ça va être très chouette. Très bien, les gars, pas chauvin, c'est bien. Pas mal. Fair play, les gars. Ah non, mais c'est vrai. Voilà, l'essentiel, c'est que du 25 mai au 29 mai, il y a 4 bières de Corse en Donc Pater à 3,79€ chez Lidl. Très bien. Ne mange pas le micro, Camo. Ne mange pas le micro. À partir du samedi 29 mai, une bouteille de 70 centilitres de Pina Colada à 3,99€ chez Aldi. Yes. Ça fait exprès de mettre des 70 et des bonne... Exactement. Bonne nouvelle. Chez Match, il y a 1€ de réduction sur le whisky Johnny Walker à 10,99€. Très bien. Voilà. Oh, c'est vous savez bonne tout. Nouvelle. Ok, merci pour cet agenda culturel bien fourni, qui est à peu près à l'égal d'un agenda culturel d'Arbatax. Exactement. Non. On savait qu'il y avait du niveau. Internet, je vois des sourires. Ok, merci les gars. Merci. Il y a un zoo qui est bien près de Nantes, sinon le zoo de la Flèche. Si jamais vous passez par là, il y a des gorilles. Et à Thouars, le cirque Amar, le 8 juin. Ouais. Attendez les gars, ne balancez pas toutes vos cartouches maintenant. À Chauché, il y a un musée du lacet qui pourrait vous brancher, je sais pas si vous passez à Chauché. C'est dans les Deux-Sèvres, je crois. Ah, dans les Deux-Sèvres. Chauché, c'est en Vendée. À côté de là. C'est dans les Deux-Sèvres. On va pas repartir sur ce débat. On va couper leur micro, on va les laisser continuer. Ça a été, de toute façon, avant la Vendée, c'était quasiment toute la France. Mais feu, de Rancigny à New York. C'était même le monde. Oui, mais maintenant, je crois que feu. Feu la Vendée là depuis un petit coup de vent. Feu la Vendée, feu la Vendée. Depuis un petit coup de vent, exactement. Zintia, big up. Ah, mais on se relèvera. Et est-ce que lui serait vendéen, Jean-Louis Coste? Absolument pas. Non. Absolument non. Pas. Voilà. C'était c'est gentil pour faire. Je crois qu'il vient. Je crois qu'il vient de la Côte d'Azur, non? Il me le semble. Oh. Bonne vanne. Bravo. Magnifique. Il s'applaudit lui-même. Il a 8 mains, donc ça donne l'impression qu'il a plusieurs jambes. Mais en non, fait, non, mais c'est des applaudissements qu'on a enregistrés, qu'on balance à chaque fois que Mopu parle. Bon, j'imagine que Jean-Louis Coste, c'est aussi un pote à vous. Jean-Louis Coste. On l'a rencontré, on l'a croisé. C'est pas vraiment un pote, mais c'est un mec bien. On boit du. On a un point commun. On boit du vin rouge et. Et puis vous aimez le caca. Ouais. Et il a fait un des dessins. Dans les gâteaux. Un dessin. Ouais. Voilà. Merci Jean-Louis d'avoir dessiné pour nous. Très bien. Et merci Jean-Louis. Merci. Vous avez sélectionné un morceau qui s'appelle Rentrer bourré. J'imagine que deuxième point commun. Voilà. Voilà. Ça aussi, ça. Je n'osais pas le dire. Allez, on s'écoute ça. On revient juste après. Tes soirées droguées, t'es partout avec mes potes. Sous mes yeux tu t'es fait sauter par trois punks et quatre drogués. Quoi tu te souviens pas des soirées droguées? T'es partout avec mes potes salopes. T'es trop défoncé ou quoi tu te fous de ma gueule? Mais si tu t'es fait sauter par trois punks et quatre drogués. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je suis rentré bourré, la la la la la la la, car j'étais trop amoureux. Et je suis rentré bourré, la la la la la la la, j'ai planté la caisse de mes vieux. Souviens-toi tes soirées droguées, et partout avec mes potes. des bêtes enculées. Pas trois gothiques et tout jaune. Toi qui te souviens pas de tes soirées droguées. T'es partout avec mes potes salopes. Tu fous de ma gueule et t'es trop défoncé ou quoi. Mais si tu t'es fait enculer par trois gothiques et tout jaune. Je suis rentré bourré, la la la la la la la, car j'étais trop amoureux. Et je suis rentré bourré, la la la la la la la, j'ai planté la caisse de mes vieux. Et non, crains rien, je suis pas bourré. Oh merde. Dans les chiottes grelottantes. Et je me suis réveillé dans la pisse et le sang. Et je me suis réveillé nu dans les chiottes grelottantes. Et je me suis réveillé dans la pisse et le sang. Je suis rentré pour elle, la la la la la la la, il est trop amoureux. Et je suis rentré pour elle, la la la la la la la, j'ai planté la quête de mes vieux. Et je suis rentré pour elle, la la la la la la la, car j'étais trop amoureux. Et je suis rentré pour elle, la la la la la la la, j'ai planté la quête de mes vieux. Hey, de retour. Ouais. C'est Tortoli, Herb Attax. Radio Panique 105.4, tous les mardis, 18h-19h. On serait sur un agenda cul, un agenda culturel. Un agenda culturel. Et c'est Scotty qui voulait nous parler d'un petit événement, ou d'un gros événement. Oui, pardon. En parlant de cul, j'ai une petite idée, c'est de vous parler d'un petit village du Lot, dans le sud de la France, qui s'appelle Limogne-en-Cul, et qui est un village qui mange pas de pain, 700 habitants au bas mot. Mais on y organise, Fume ta moustache, il prend une grosse part avec les gens du coin, la fête de la musique, donc le 21 juin. On fait de la déco, donc des collages, des vidéos projecteurs, des sculptures. Et cette année, c'est sur le thème de la ferme transgénique. Donc, voilà, vous pouvez aller voir, il y a plus d'infos sur le MySpace de. Ça s'appelle Limogne Musique. Ok. Voilà. Vous pouvez venir en skate, en roller, il y a quoi. Il y a 1000 km. Ouais, un truc comme peine. Ça. À peine 10 heures de Bruxelles c'est en voiture. Donc à pied, ça roller, se fait aussi. Ouais. Avec bien des chiens, dos de petits chiens de schnauzer, tu vois. Voilà. D'accord. Ça, ouais. Très bien. Tu mets 8 schnauzer les uns sur les autres. Puis tu mets des skateboards sous les schnauzer. Et ensuite, tu te mets dessus avec une grosse selle en mousse. Et, et tu trouves quelqu'un qui te pousse. Ça met approximativement. Deux mois, 17 jours, ouais. 2 heures et 30 minutes 35, je crois. Ça, 35 c'est, minutes. C'est un Éthiopien, fois, ouais. C'était, ouais. C'est un Éthiopien qui a le record, je crois. C'est le record en cours, ouais. Ouais. Okay, il s'appelle Clips. Ok, très bien. Merci pour les précisions, Polo. Merci. On retrouve naturellement toutes ces informations sur votre MySpace. Oui, bah, sur le MySpace, Fume ta moustache. Un article sur Clips et son exploit. Ouais, comme des cons, là, faut le faire. Là. Très bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'il y avait un autre événement annoncé, les gars ? Moi, j'ai fait un agenda naturel. Ah, c'est Oudin qui voudrait nous faire un petit agenda. Alors, donc. Quel bio garçon, tu fais. De jeudi à samedi, on est en jour feuille. Donc, il est temps de repiquer les choux, les salades et le basilic. Par contre, dimanche, c'est un nœud lunaire. Donc, pour mes amis loups-garous, ne jardinez pas. Surtout, ne jardinez pas. Ne baisez pas non plus. Voilà, ah, ouais, non, les nœuds lunaires, là, il y a deux versions. Rien faire. Donc, voilà. Et sinon, après, pour les poivrons, les radis et les potirons, je vous conseille le semis en pleine terre. Très bien. Mais moi, je voudrais quand même. Ça ne vous empêche pas de vous fixer. Surtout, si vous avez entre 8 et 10 ans, vous pouvez vous en foutre plein les veines. Ce genre-là, il n'y a aucun souci. C'est un petit conseil pour les petits auditeurs de la radio. C'est un beau message pour les enfants qui écoutent. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire des cascades de type sauter sous les voitures, genre de trucs. C'est marrant, c'est des chouettes jeux. Parce que tu sais qu'on a 70% d'auditeurs qui ont moins de 15 ans. Ah bah ouais. Oh putain. J'espère bien, c'est pour eux que je parle. Ouais. Très bien. Okay. Par contre, au niveau de l'abstinence de cul, yes. Je voudrais revenir là-dessus, Camo. Tu peux en dire plus, s'il te plaît ? Non. Ça sera non. Très bien. Ah, va. Non, mais c'est un truc avec la lune. Attendez, il y a un grand monsieur qui lève le doigt, qui voudrait parler. Donc, sinon, à Albi, il y a l'expo 3615 Moulinex, à la galerie L'Aquarium, 28 rue François Verdier. Albi, c'est en France. C'est sérieux, hein, parce que c'est sérieux, c'est les requins marteaux qui font ça, c'est des mecs très bien. Donc, vous pouvez aller sur internet, vous tapez requin marteau ou ferraille, c'est pareil, et il y aura. Plein de trucs, c'était. Ils ont la classe. Allez sur internet, j'ai pas tout noté sur mon petit papier. Moi, pas ça, j'ai un petit truc à dire. J'ai un petit coup de promo pour des potes de Paris qui ont sorti une revue il y a pas longtemps qui est hyper belle, qui s'appelle Collection. C'est le collectif Modèle Puissance qui ont fait ça. Moi, je l'ai vu là il y a pas longtemps. C'est un très beau livre. Quelle classe. Et si jamais il y a des Bruxellois intéressés, ils tapent Modèle Puissance, ils ont un blog, vous pouvez commander le bouquin. C'est des interviews, il y a Florent, il y a Rupert Emulot, il y a du Burns, il y a du gros niveau. Ils ont fait un super bouquin, faut le commander, faut les aider parce que. Ok. Pas mal quand même. Vous nous mettrez tous les liens sur votre MySpace, bien sûr. Bien entendu. MySpace.com/fume-ta-moustache. Regarde-moi quoi. Ah, très bien. Tortoline, une petite question. Est-ce que tu pourrais couper les micros de Fume ta moustache ? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai une petite annonce à. Ah, il a toussé ! J'ai un petit événement, moi, Arbatax, sur mon agenda Q. J'en fais juste un cette semaine. Je vais les mettre en fond. Voilà, j'ai une auditrice qui m'a fait parvenir un événement, un flash mob, qui se passera vendredi 28, donc là en fin de semaine, à 19h, à Poulart, au Palais de Justice, sur la terrasse latérale du Palais de Justice. Bon délire, là. C'est un flash mob, oui, ça fait un peu coupure avec le reste de l'ambiance de l'émission. Mais je croyais qu'on avait. Mais j'ai promis de passer ça. Ouais, merde, on l'écoute plus. Bon, alors ce sera un flash mob, ce sera une manif en soutien à Emin et Adnan, deux Azeris. Habitants d'Azerbaïdjan qui militent pour plus de démocratie, qui sont activistes, qui ont une liberté de ton dans leur pays, mais apparemment ça ne plaît pas à leur gouvernement qui les a emprisonnés depuis 7 mois. Et à l'occasion de la fête nationale d'Azerbaïdjan, il y aura une manif pour les soutenir. On balance le lien du blog pour les soutenir sur radiopanique.org et sur le Facebook de Tortelier Batax. Donc ça se passe vendredi 28 mai à 19h au Palais de Justice. Trouvez toutes les infos sur le site Panique et Tortelier Batax, le Facebook. Merci Arbatax pour ce fameux agenda culturel. Vous voulez peut-être réagir ? Moi, ouais, j'ai envie de réagir. Ouais. C'était génial. Comment dire, Arbatax, comment est-ce que tu peux parler d'un truc aussi sérieux sur la jacquinade qui passe en fond derrière ? Ouais, c'est ce que. Alors la jacquinade, pour expliquer, c'est l'édito musical qui est avec l'édito donc de Jacquin, un éminent collaborateur de Fume ta moustache. Très bien. Qui passe derrière depuis le début de l'émission. Tout à fait. Qu'on retrouve sur le MySpace. Attends, je l'augmente deux minutes. Écoute. Voilà, les deux Azeris vont se retourner dans leur slip. J'ai envie de dire. Oh merde. Oh putain. Moi je trouvais ça bien. Hein. Bon. Voilà, non mais on peut rigoler. Mais l'Azerbaïdjan, c'est un pays un peu comme la Jamaïque, il me semble. J'en ai pas souvent entendu parler, mais je crois que c'est dans les Caraïbes. C'est à côté. Ça vaut le coup apparemment. Donc faut y aller. N'hésitez pas. Très bien. Est-ce qu'on passerait sur une petite session musicale, les gars? On avait ou pas. Ou on aurait peut-être une petite question d'auditeur, il me semble. Autant pour moi. Il en restait une. Enfin, il en reste plusieurs. Pardon. Autant pour moi. C'était une question, il me semble, qui s'adressait pour Mopu, aka Birds Are Alive. Si ça concerne ma sexualité, je veux pas en parler. Quasiment. Écoute ça. Je vous propose d'écouter. Écoute ça, Mopu. Piiip. Oui, salut, Mopu. C'est Jacques Daniel. Tu te souviens? J'avais juste une question. Mais quand est-ce qu'on se revoit? Allez, salut. Voilà, je pense que tout est dit. Ben, on s'est revu il n'y a pas si longtemps, là, la semaine dernière. Peut-être cette semaine qu'on va se... Je te rappellerai, il n'y a pas de souci. T'en rappelle pas. Je te recontacterai parce que j'aime bien quand tu me fais vomir, Jacques. Merci pour cette question de Jack Daniel. Merci, Jacques. Sympathique. Merci, Jacques. Allez, on enchaîne tout de suite avec un morceau de Jean-Louis Costes. On a déjà passé Autant pour moi, donc ça va être Movie Star Junkies. Les gars, un petit mot là-dessus? Qui a sélectionné cette chanson? C'est Pipon encore, j'ai l'impression. Français Mopu, là. Français Mopu. Ouais, j'ai réussi à placer une chanson quand même, je suis content. Donc c'est un groupe italien, okay, de rock. Non, mais garage, ça suffit comme description. Et qui fait de la superbe musique. De Milan. Ils sont vachement cool en plus. Milanais. Non, ils sont. Turin, ouais, c'est ça. Du Turin. Ils sont signés sur un label suisse qui s'appelle Voodooism, le label de Révérend Beatman, pour ceux qui connaissent. Ça devient bizarre. Ils sont turinistes. Très bien. Movie Star Junkies, le morceau s'appelle Dead Love Rag. Et le morceau de Vagina, tout à l'heure, s'appelait Radioactive Love. Big up, Vagina. Mais de toute façon, vous retrouverez la playlist sur le MySpace de Fume Ta Moustache. Bien entendu. Comme sur la page de Tortelier Arbatax. Tout de suite, Movie Star Junkies. Aujourd'hui, Tortoli et Arbatax sont invités. Les fume ta moustache. Tu les connais? Bah tu les connais pas. Ah, je ris. Très beau jingle, merci pour ouais, de retour, vrai. Des brand new jingles les gars. De retour. Ah, spécialement pour vous. Vous avez bien travaillé. Avec ma jaquinade préférée derrière. Arrête de gratter les poils, s'il te plaît. Qui? Toi? Moi j'ai pas Tortoli. De poils, ça doit pas être moi. Non, c'est Tortoli, il se gratte le torse. Tu peux parler devant le micro, s'il te plaît? Non, mais je parle devant le micro, tu te... Ça tombe bien que tu aies quelque chose à dire, parce qu'on avait quelques petites questions pour toi. Natos, qu'on n'a pas trop entendu. Bah vas-y. On voudrait savoir depuis combien de temps vous êtes présent dans le Fume ta moustache, et comment avez-vous connu ces gens-là? Un an, et avec la fustinière, pareil que Pipon et Oudin, quoi. Une rencontre comme ça, d'un coup... D'un soir, On a mis les points sur les i. C'est exactement ça, on a mis les points sur les i avec Oudin et Pipon. Donc tu seras un fondateur, quoi. Non. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas une rencontre et un fondateur. Et en fait, mais alors qu'est-ce qui t'a décidé à intégrer le groupe? Ah, rien du tout, séduit quoi, séduction. Bah, je sais pas, demander à Pipon. Ouais, la bogositude. La bogositude. Par contre, dans les fondateurs, je voudrais bien qu'on n'oublie pas notre petit Janus. Voilà, Jaja. Oh. Jaja bien placé là, Ouda. Lova, Lova, Jaja, Business. Jaja, Business, Jaja. Je vous en sens, il vous en sera reconnaissant. Les deux Jaja, quoi. Non, on arrête l'émission hippie. Natos, est-ce que tu fais des activités à côté, toi, de Fume ta moustache? Oui, mais quelle activité tu parles? Tu bois? Je sais pas, on se connaît pas, t'es un invité, tu me racontes. Bah, je sais pas, de l'illustration. Non, l'illustration, ça rend un film de moustache et d'accord. C'est tout, quoi. D'accord, très bien. Tu colles aussi, donc c'est tu peux dire que tu es alcoolique. Voilà, non, c'est ça. Non, ça cache, non, ça mais cache, non. À quelle heure tu as bu ta première bière aujourd'hui, Natos? Ce matin à 11h. Bon, donc en fait, pour vous rencontrer, pour intégrer votre fanzine, il y a deux choses, quoi. Un petit chèque. La fistinière, ouais. Et l'alcoolisme. En fait, en réalité, c'est plutôt un petit chèque. Très bien. Voilà. Si vous avez de l'argent, vous voulez nous aider, 24 rue de Kervégan à Nantes, voilà, vous vous adressez ça. C'est pas mal, ça marche. 50 euros, si vous êtes pas mal, avec un E. Et Camo, pas mal. Moi, je suis en tout cas à Nantes, avec un E. Ok. Camo, la retardataire, est-ce que... on t'a pas beaucoup entendu, est-ce que t'aurais des activités extra fume ta moustache? Non, moi je fais absolument rien. Très bien. Comme c'est... ça c'est fait. Ah, tu touches des aides quand même ou quelque chose? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Bon, bah pour vous faire parler un peu plus, les auditeurs vous posent des questions. On a notre répondeur qui a fonctionné toute la semaine. Et auditeur qui nous a posé une question pour Tortoli, je ne sais plus. Celle-là on sait pas trop, c'est qui voudra quoi. Qui voudra, très écoutez bien. Une question générale. Elle marche bien. C'est vachement intéressant. Salut, c'est Amandine. J'ai 7 ans, j'habite à Rixensart. Voilà, j'ai une question pour le grand là, le grand de Fume ta moustache. Oh, je me souviens plus du prénom, mince. Voilà. Et ma question, c'est pour ce que j'aimerais bien faire de la mode, me destiner au design. Donc voilà. Toi qui t'habilles toujours beaucoup mieux que les autres, tu dois savoir. Tu voudrais savoir comment je peux m'habiller, des conseils un peu mode pour cet été. Voilà, pour être cool à Ostend. Donc la à question. Poil. La question. Ouais, la ouais, Ostend, c'est tout nu d'habitude. Ouais, à poil. Je pense qu'elle s'adresse à Janus, hein, c'est le grand bien habillé de Fume ta moustache. Mais qui n'est pas là malheureusement pour répondre. C'est gilet écossais, cravate des années 20 et puis un petit DVD de Jean-Luc Godard dans la poche et puis c'est réglé quoi. Slip en laine aussi. Tendance 2010. Et chaussures bateau aussi, c'est important les chaussures bateau. Et Moumou Jacquard aussi. Ou alors les nouilles, les chaussures pour aller pêcher des crabes. Tout relativement poussiéreux, faut pas que ce soit du neuf non plus, faut pas déconner. Voilà. Non, le mot clé c'est mauvais goût quand même. Et ça c'est très 2010. Lâche-toi, quoi. Amandine. Puis coup de poing aussi. Lâche-toi. Lâche-toi, Amandine. Voilà. Et on sortit bientôt du numéro 14 de Fume ta moustache. Un numéro coup de poing. À l'occasion de Limognancu, la fête de la musique. Voilà. Donc c'est votre actu. La sortie du nouveau Fume ta moustache. Voilà, numéro le 14. 14. 14 déjà, les gars. Très bien. Ouais. On a encore un dernier auditeur qui a laissé un message pour. Pour Polo, il me semble. Ouais, pour Polo. Polo, écoute ça. Qui Polo? Écoutez bien. C'est Pipon, l'homme au bout orange. C'est un chien d'abord. Allô, oui, bonjour, c'est Michel là, le papa le papa de Polo. Moi je suis un peu désolé de vous appeler par là, mais Polo, t'as pas vu ta mère là, je sais pas, elle revient plus là. Vas-y, essaye de me rappeler. Hein. Merci les gars. Polo, ouais, très bonne question. Très bien formulée, en plus très rapide, marrant, très concrète. Très drôle les blagues, les gars. Bon, vous le sauriez quoi. Bon, c'est pas grave, hein, vous pouvez pas tout savoir non plus. Mais ma mère est morte dans un camp Khmer Rouge. je suis réfugié. Voilà, je m'appelle Paul Kongtang. Mais t'étais pas un chien Pipon là-bas. Bah non, en vérité, sous mon cœur de chien, un cœur de Viet Cong. Et vous pouviez pas le savoir. Non, je l'ai vu se faire découper et violer entre au Rwanda. Bon, alors c'est compliqué hein, l'histoire, hein, mais ça s'est pas passé voilà. que non plus au Cambodge, c'était aussi au Rwanda et un petit peu en Bosnie aussi. C'est pour ça que t'as le bout rouge. En fait. Voilà, c'est ça. Puis finalement, elle a été sous les yeux de mon alligator, elle s'est faite violer en Tchétchénie. Voilà. J'étais pourtant donc persuadé de l'avoir croisé à la fistinière la semaine dernière. Cacha, mon puce, s'il te plaît. Voilà pour mon histoire horrible. Si vous trouvez que ça ressemble à celle de Seyar dans les Chevaliers du Zodiac, c'est faux, c'est déconne. Merci, belle touch pour la fin de l'émission. Super. Et oui, c'est déjà la fin. Bonne émission. Alors, un petit truc pour The Unit, ça oui. C'est petit conseil pour les automobilistes, vous accélérez sur le ring. Vous ouvrez la fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre, vous ouvrez la bière. Voilà, vous ouvrez la bière, vous buvez, vous roulez à donf, vous faites les cons, voilà, c'est ça. Voilà, vous parliez du morceau qui passe après, qui va clôturer notre session spéciale Fonte à Moustache. Voilà. Jacquin nous a fait découvrir. Merci Jacquin. Un groupe avec de la batterie et des pianos. Synth punk des 80. Voilà. Anti-guitare. San Francisco. Les gars, il nous reste une minute. Si vous voulez faire votre promo, on vous laisse la parole pendant 60 secondes. Qui font une minute 50 centimes. Juste bah, on peut rappeler le concert de vendredi à 8. Voilà. Le samedi au DNA. Et le samedi au DNA, okay. Venez nombreux pour c'est du prix libre. Comment vous contacter en termes de Fume ta moustache? Vous tapez Fume ta moustache sur Google, je sais pas. Sur l'internet? Voilà, c'est sinon, ça. Sur le internet. Sur l'Icos. C'est le numéro de Scotty, sinon là. Sur OneNet. Voilà. Scotty a un caramel. Et puis Hotmail. Il y a le Skyblog aussi, Fume ta moustache. Très bien. Voilà, très bien. Merci les gars d'être venus chez nous. Et merci à vous. Merci. Bisous. Merci à Torto et à Arbatax. On peut peut-être laisser le mot de la fin à la personne qui a le moins parlé, Camo. Oui. C'était pas mal. Merci Camo. Merci. Belle. Voilà, chers auditeurs, il ne reste plus qu'à vous rappeler que Tortolier Arbatax, c'est aussi un site internet. Vous retrouvez la playlist et probablement pas toutes les infos qui ont été données ce soir, mais on en mettra le maximum. C'est sur www. Autant pour moi, Scotty, tu as remarqué, hein, tu me regardes un regard noir. radiopanique.org. Et puis Tortolier Arbatax, c'est aussi un Facebook, un groupe où tu peux lâcher des conneries. Là où n'y va pas. Merci les gars, donc on se quitte avec le morceau The Units. Leur morceau c'est High Nights, le groupe c'est The Units. Je rectifie. Formidable. Formidable. Camo, le nouveau mot de la fin. Encore un mot, Camo. Encore un mot. Non, toujours pas de mot, Camo. Ah bah non, ça y est, je croyais que c'était fini moi. Voilà, belle fin. Hey, à la semaine prochaine, au revoir, ciao ciao. Ciao. Pas de guitare. Sounds I feel like on my skin like a fog that's on the streetlights, so quietly I yell. It's my time now, so quietly I yell. It's my time now. Lives in the night.